Docteur Ineptitus qui t'est arrêté en même temps avec nous, 28 novembre 80. Docteur Titus, comment songez joue ça? Est-ce qu'on songe Jean-Franck Étienne dit à quand on date Madichon? Comment songe véritablement. Bon, 28 novembre, je me songe personnellement moi-même, je suis fin travail dans la clinique là. Il était vers entre 7h et 7h30, m'a sorti. Et puis, moi, deux policiers en bleu approchés côté moi, d'avoir rentré dans la voiture. Moi, je dis, si c'est moi le docteur Ineptitus, moi, je dis oui. Je dis, moi, que je prie, moi, suivi au caserne de Salines. D'accord, moi, rentré dans la voiture, je dis, mettre conduit, il y a une chita à côté, il y a une chita derrière. C'est ainsi que je me rends compte que je suis en état d'arrestation. Pas de gain, personne. Comme témoin, parce que je viens de chercher justement pendant d'après la rentrée dans la voiture et dans le parking. Et moi, je songe que moi j'étais déjà dans la caserne, j'étais arrêté. Moi, et moi, a passé devant moi. Et c'est à ce moment-là que je réalisais qui quantité, qui étendue arrestation, mais tu nous vois maintenant, combien de monde tu prends. Je crois que ça, ou tu es. T'es un paquet de monde. Bon, c'est justement là, m'rivé en caserne. Non, c'est la première fois que dans la caserne. Bat-con, ouais, même moi, il y a un paquet de monde de qu'on est, disons, comme progressiste, comme militant, etc. Donc, comprendre le ça tout, que son razzia, y'a fait. De tout secteur. De tout secteur. Hein? Et naturellement, ça. Et ça surprend moi, puisque je ne m'attends pas à ce jour-là, mais il y a des indices déjà qui te font comprendre que tu es combattu comme ça, qui t'a mis sur pied. D'ailleurs, peut-être un mois ou deux mois à l'avance, il y a un certain Arthur Calix qui te dit nous pratiquement que le bal est fini. Donc, nous t'es senti que tu as préparé pour le frapper, etc. Bon, du gain de temps de tout dans l'après-midi, de tout l'après-midi, Radio Haïti a parlé, a relé Jean-Dominique que yo pas trouvé. Donc nous nous sommes sentis que gain un bagaille dans l'air. Personnellement, moi-même, peut-être la raison ou le prétexte qui fait arrêter moi, bon, je connais que yo t'ai besoin d'arrêter depuis longtemps parce que le gouvernement du Valia pas supporter monde qui dit comme si qui pas avec qui est indépendant mais cependant le prétexte ça c'est que si me songer à ce moment-là société haïtienne de pédiatrie t'a fait collecte de fonds et il t'a organisé un bal pour décembre ce jour-là mal fait une interview dans ce sens à Radio Métropole avec LCTA. Ensuite, j'ai invité de gala, de galerie. On me passait avec le moine et Gérald Alexis, moi fait interview. Donc c'est à deux pas de Radio Haïti. Ensuite, mal Radio Haïti pour me demander de faire des spots pour nous de publicité pour le bal que nous organisions. C'est ainsi que je comprends après d'ailleurs que je te mettais surveiller Radio Haïti. Joue ça et que chaque monde qui était rentrer Radio Haïti était noté comme un comploteur. Donc, vous profitez à soi, vous faites radio, vous prenez tout le monde qui a besoin de prendre. Mais en fait, ça qui est étonnant et ça qui est étonné en plus le monde, c'est que nous rencontrons des gens dans la prison que nous ne connaissons pas jamais avant. C'est-à-dire que Razia, ce n'est pas seulement des gens qui ont des liens avec l'autre, c'était vraiment tout le monde. Il y a été ouvrier, il y a été étudiant, il y a été élève de l'école. Et moi, je crois que c'est important pour nous, jeudi à 28 novembre, pour nous faire poser peut-être une série de questions. Pour qui ça? Pour qui ça, le gouvernement fait ça? À l'époque, ça? Parce que l'événement, il prouvait après que il payait chèrement ça, le fait. Oui. Donc, pour qui ça, il prend une décision ça à ce moment-là? Est-ce que tu as une décision prend au sommet et puis, genre décision, tu es exécuté? C'est ton lot de gens qui exécuté parce que tu as l'autre intérêt qui est en jeu. D'après où est-ce que ça passé? Bon, je pense que le gouvernement profite de un événement international. Carter t'es battu aux urnes américaines. Bon, mon yo wè que bon affaire de zo poisson ka tête collé langage li avec politique des droits de l'homme là, ça fini. Donc yo profiter frapper coup ça. Ça dit y a tellement juste que me songer que jouer élection américaine ou Radio Haïti, nous t'a couvert élection américaine avec correspondant nous aux États-Unis et qu'au dernier moment, c'était peut-être minuit, l'on annonçait que dernier résultat yo que Carter a été perdu. Me songer que ma coup de saute dans la rue et t'a tiré en l'air et yo t'a dit et coulier là à fin bon cowboy n'en parlait. Ça veut dire Reagan n'en parlait donc nous te mettre nous-mêmes personne voulait. Donc en plus de ça, le gouvernement était au bout de ses ressources. Sous songer que toute dernière année ça yo entre 75 et 80 et politique et Jean-Claude Tegon politique de droit de l'homme, il veut paraître comme celui qui a institué la démocratie en Haïti. Donc l'étape un mode genre comme si pour ta couvrir pour ta sauver la face pour essayer paraître comme un démocrate alors que la pagie est comme un fasciste. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde qui a lutté pour la démocratie, ils ont adopté la même stratégie, ils ont pris un gouvernement homo. Et ainsi, il y a un gros levé de bouclier, une prise de parole qui fait et qui finalement agacé le gouvernement. Comme il n'y a pas de gain base démocratique réellement pour lutter sur ce fond ça, eh bien il t'a parlé pour craser une million. Et c'est ça le fait. Duvalier était mal à l'aise. Duvalier était mal à l'aise et il a eu tendance à prendre tout le monde qui n'est pas duvalieriste comme des ennemis. Et je répète encore que réellement, et à ce moment-là, le gouvernement a l'entendu sous l'iel. Je songe la dénonciation, par exemple, à faire déchets atomiques là, que Jean te prend et que il te mettait au grand jour. Bon, bande de combines que vous avez dénoncé et que qui pas fait monsieur au plaisir, etc. A fait Zafra dominicaine, etc., etc. C'était un gouvernement mal à l'aise. Donc il était besoin de fermer bouche nous et il profitait l'occasion ça. Il fermait bouche nous, il dit que bon, m'entendez après que nous-mêmes, nous c'était des terroristes, des communistes, etc. Même tendez que comme si de recevoir l'argent à Moscou pour faire la révolution ici, on a dit tous les bobards possibles, etc., etc. Et ce sont peut-être des choses que ils ont véhiculées volontairement, etc. Mais en fait, c'était une prise de parole démocratique qui fait que le gouvernement pas de cap faire pour semblant de politique démocratique en gros, il était découvrir, il était mettre à nu alors qu'il est il a perdu la face et c'est seul sa caractère, c'était fermer en bouche non brutalement et il profitait de ce que Carter pat là encore pour lui imposer la politique des droits de l'homme, il frappait coup ça. Mais dans un certain sens, certains monde dit le a bon, il frappait coup ça. Mais quoi servir dans la mesure que pendant quelques mois, t'es bon calme. Oui, oui. Comment t'es ou même fait expérience calme ça après lors t'es sorti de prison? Comment t'es ouais situation? Comment t'es ouais parce que nous même nous t'es dehors, donc nous même nous t'es ouais de l'extérieur. Comment ou même où t'es vivre? Mon cher, ma chère Michel, au 11e jour de ma prison. De mon incarcération, je me fais 11 jours en prison, finalement, je la game. Bon. Pour qui ça, je la game, ça, c'est une autre histoire, parce qu'il semble que en pile les choses, interventions internationales. Il y a un pile confrère, je me connais, qui est intervenu pour. International, qui était fait, etc. Finalement, je la game. L'homme sorti, je me vois la rue, je me dis comme si son pays qui est sidéré, saisi, etc. Personne ne pas comprendre que on va comme ça t'as pas arrivé, etc. Et puis moi-même personnellement, ça que t'es frappé moi, mon bonne banderole dans la rue, etc., avec des inepties. Je me rends communiste, c'est malin, et, enfin, une bonne de choses qui choquaient comme haïtien et comme intellectuel. Parce que les gens comprennent que un gouvernement établi a pratiqué la désinformation de façon tellement systématique. J'étais choqué. Bon, maintenant, je crois que tout le monde qui a lutté, tout le camp du démocratique là, à ce moment-là, était obligé de faire un repli sur lui-même. Mais je me dis bien un repli, mais ça, vous te comprenez, non, c'est pas ça qui arrive. En fait, vous te comprenez, vous faites même bouche tout le monde, mais cependant, je crois que ça fait tout le monde prend conscience que d'abord, il fallait une unité d'action. Et c'est à ce moment-là que, en Haïti, dans la diaspora, un peu partout, le mot a fait fortune que il faut une organisation intérieure et extérieure, il faut l'unité et que la révolution, mais le changement que vous faites, on ne finit pas comprendre que c'est en Haïti pour le fait et que l'extérieur sont à point pour lier. Bon, on pensait que le coup du 28 novembre au moins a apporté cette conscience de la lutte dans le cadre démocratique. Oui, parce que pendant l'impression que tout le monde a gagné, c'est que ils ont arrêté tout le monde qui était connu comme qui tape dans la lutte démocratique là. Et pas de gain encore. Ce qui nous était connu nous-mêmes que c'était faux. Mais à l'extérieur, c'est ça que tu as dit à l'époque. Et bien, elle a recommencé, elle a rebougeonné. Ce qui menait nous en l'autre 28 novembre. 28 novembre 85. Et comment tu vives l'expérience ça? Bon, Beaufort dit que à ce moment-là, personnellement, je n'ai pas eu l'impression que l'heure de Duvalier est arrivée. J'ai toujours gagné conviction intime que l'histoire bail dictateur Sahio une moyenne de 30 ans. Je me connais que la pourrie et que la date est privée, mais personne n'a pas trouvé que Duvalier pourrait tomber dans moins de 1 an. Et brusquement, est arrivé par d'abord les émeutes qu'on arrive. On est sorti de yo pillé des dépôts de nourriture, etc. Yo lancé des slogans hostiles à Duvalier. C'était très caractéristique. C'est-à-dire que on n'a pratiquement pas de peur encore. Et que conditions subjectives de jeter Duvalier ont été privées, etc. Bon, ça a marché, bon, malgré tout ça a fait, arrêter Bolduc Saint-Jean, arrêter un tel, rien n'y fit. Et finalement, il y a fait les trois élèves que ils ont tiré le 28 novembre, et ce qui a mis le feu aux poudres, et ce qui a précipité la chute de Jacques Duvalier. Bon, entre-temps, il y a tout le monde rentrait dans la lutte, il y avait Radio Soleil qui a conscientisé le peuple là, etc. Et à ce moment-là, tout le monde était en lutte, c'est-à-dire que traque pas ci, traque pas là, t'es bon traque, t'es mauvais traque, t'es tout le monde mettait pas, etc. etc. Donc t'es comme coucou, je mettais derrière Jacques-Claude, il était clair que maintenant Jacques-Claude n'a pas le tomber. Et finalement est arrivé le faux départ du 31 janvier et le vrai départ du 7 février. Pour est-ce qu'on lien en 2 28 novembre ça? Nous parler de yo. Pour moun gonaïve gon lien. Moun gonaïve toujours dit que raison yo t'ai frappé 28 novembre 85, c'est en grande partie peut-être 28 novembre 80. Mais est-ce que il y a effectivement un lien entre deux dates ça yo? Est-ce que sont coïncidences? M'ba quoi son coïncidence, mais même si même personnellement m'ba ouais lié m'ba découvrir yo, mais il pas qu'à bon coïncidence, parce que entre 28 novembre 81 et 28 novembre 85 là, il y a toute une série de d'événements qui t'a marché ça 28 novembre 81 bay moun yo conscience que faut accélérer lutte là, et lutte là t'a accéléré sur tous les fronts ici à l'étranger à partir du 28 novembre jusqu'au du 28 novembre 80 jusqu'au 28 novembre 85, etc. Il y a un lien. Même si je n'ai pas fini de définir très très très bien, je me sens, je connais mon lien.